Hey, be by the why not? Je sais bien avec la petite prière, mais quand je marche ailleurs, soudain tu décélères avant de accélérer, et dans ton bled, tout le monde m'appelle déjà. Happy B, Happy B, Happy B, Happy B, Happy B, Happy B, Happy B. Sur le torse, t'as reconnu le logo Warano Wanted comme un putain d'autobo. Elle est loin, l'époque de la Delidelo. Mon stylo est choqué, j'écris au stabilo. Ma chérie dansant sur ce petit champ de mine, comme Richard, tu sais que je vise dans le mille. T'as pris tellement de râteaux que t'es devenu jardinier. C'est le dîner de convient que t'invite à dîner. Rendez-vous ce soir, pas loin de rue de la pompe. Puis j'arrive à Yep, demi de la paire de completion. La casse à cost, les femmes enceintes à terme. Bâtiment B, 6ème étage, montre qu'on enfile des perles. Je sais pas avec la petite prière, mais quand je marche à Yem, soudain tu décélères avant de accélérer, et dans ton bled tout le monde m'appelle déjà. Happy B, Happy B, Happy B, Happy B, Happy B, Happy B, Happy B. Mon rêve d'enfance, un château de sable. Je donne tout dans les grandes et les petites salles. Hey, merde, dans les temps, pourtant je perds mon time. Youssef, posé côté passager. Je vois du monde arriver, la plupart ont pas chassé. Je vais toucher tout le monde, même les mecs de chasse et pêche. Quand tu parles d'oseille, c'est normal que j'en dépêche. Ma chérie, donne-moi ta main sans réfléchir. Ta beauté est telle qu'elle détruit des familles. Ma chérie, donne-moi ta main sans réfléchir. Ta beauté nous empêche tous de réfléchir. Je sais pas avec la petite cuillère. Mais quand je marche à Yep, soudain tu décélères avant de accélérer, et dans ton bled tout le monde m'appelle déjà. Happy B, Happy B, Happy B, Happy B, Happy B, Happy B, Happy B. Happy B. Happy B.